Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment l'argent des gens. Les temps où j'ai champi sur les champs de coton, gros bolide sur les champs. Ouais, y'a personne qui s'échappe, non. Oh, du cash à Marrakech. Ouais, viens nous voir si t'es chaud. Gynécologue dans le rap, j'ai pas de charge. 2020, je serai à l'apogée. Vous voulez du salbé, approchez-vous. Ne juge pas un son à sa pochette, non. Méfie-toi d'Elgar, c'est une boutique. Rara de tu vois rap monnaie. Arrête ton mané si tu n'as pas d'oseille. Le smic me donnera pas à manger. Rien à foutre, tu pourrais gâter. Écoutez de doué à Massy. Ancien comme commandant Massou. Galère de bus, tu restes assis. Charbonneur connaît pas la chance. Regarde dans les yeux, on a grandi. Regarde dans les yeux, on a grandi. Hier aussi, si tout est grandiose. La monnaie d'Alien a gagné. Peut-être dans le soir, j'ai le pétard à la bouche. 4 kilos, je passe la douane, les gens pensent que j'ai un marabout. Non, non, je suis posté dans le soir, j'ai le pétard à la bouche. 5 kilos, je passe la douane, les gens pensent que j'ai un marabout. Non, non, je suis posté dans le soir, j'ai le pétard à la bouche. 6 kilos, je passe la douane, les gens pensent que j'ai un marabout. Non, non, je suis poussé dans le soir, j'ai le pétard à la bouche. 8 kilos, je passe la douane, les gens pensent que j'ai un marabout. J'ai une vie d'enfer au paradis. Pour ça, faudrait que j'arrête le sale. L'ouverture des portes à midi. Faut que j'écoute toute la critique. Je suis un bad boy comme P. Didi. Bébé, ce soir, je rentre tard. On va te mettre en arrêt maladie. Et c'est Ken, elle arrive en retard. Tu fais tout pour qu'on te voit, mais on t'a pas vu. Fermeture éclair en garde à vue. Trop de cinéma, je la laisse en vue. Je connais ta mère, donc je te laisse en vue. Moi, je suis dans le bâtiment. Le tribunal, c'est une patinoire. Si personne prend tes pas, attends, tu vas tomber. Demande à l'avocat si je mens. Y'a pas de gardien de la paix dans la cité. Fais le fou, on va se citer. Je rappelle avec un micro, t'as les taxiphones sur logiciel Audacity. Attends, prends deux minutes, toi, chasse chez toi. Vas-y, cousine, fais comme chez toi. Mais je t'ai reconnu, c'est pas toi le poteau du gars qui chante Mamacita. Posté dans le square, j'ai le pétard à la bouche. 4 kilos, je passe la douane, les gens pensent que j'ai un marabout. Non, non, je suis posté dans le square, j'ai le pétard à la bouche. 5 kilos, je passe la douane, les gens pensent que j'ai un marabout. Non, non, je suis posté dans le square, j'ai le pétard à la bouche. 6 kilos, je passe la douane, les gens pensent que j'ai un marabout. Non, non, je suis posté dans le square, j'ai le pétard à la bouche. 8 kilos, je passe la douane, les gens pensent que j'ai un marabout.